C'est parti, je suis en selle, je mets la gomme, je chauffe Marcel, je carbure au naturel, je carbure au naturel. Tiens, on dirait un faux plat, c'est un peu dur, mais ça va, je tourne à la MDMA, je tourne à la MDMA. C'est parti pour la colline, y'a mes jambes qui me taquinent, je fais confiance à la médecine, je fais confiance à la médecine. Je commence à bien grimper, je commence à